ce qui nous lie est au-delà de l'histoire. Il est enraciné dans la préhistoire. Il tient à la géographie, à l'ethnie et partant à la culture. Il est antérieur au christianisme. Il est antérieur à l'islam. Il est antérieur à toute colonisation. C'est cette communauté culturelle que j'appelle africanité. Et je la définirai comme l'ensemble des valeurs africaines de civilisation. Qu'elle apparaisse sous son aspect arabo-berbère ou sous son aspect négro-africain, l'africanité présente toujours les mêmes caractères de passion dans les sentiments, de vigueur dans l'expression. Je crois, je sais que nos langues vernaculaires sont diverses, du nord au sud, de l'arabe au haut-tantôt. Elles présentent cependant une série de chaînons qui les relient l'une à l'autre. Nos races sont diverses. Dès la préhistoire, elles se sont métissées. La conscience de notre communauté culturelle, de notre africanité, est un préalable à tout progrès dans la voie de l'unité. Sans elle, il ne peut y avoir volonté, encore moins effort efficace d'unité. Je ne le nie pas, nous avons aussi en commun notre situation de pays sous-développé qui se caractérise par un certain nombre de traits que je résumerai ainsi. Sous-alimentation et sous-productivité, parce qu'insuffisance de capitaux et de cadres techniques. Mais, pour sortir précisément de cette situation matérielle technique, il nous faut faire appel à une énergie spirituelle. Il faut nous forger ensemble une âme commune. Nous l'avons, cette âme, qui s'incarne dans l'africanité. Il nous suffit de la reconnaître et de l'assumer courageusement. Ce qui suppose que nous commencions par rejeter tout fanatisme racial, linguistique, religieux. Alors, mais alors seulement, nous pourrons définir notre but lucidement. Également présent, le président du Congo-Brazzaville, l'abbé Fulbert Youlou.